expliquer qui je suis, que tu saches clairement. J'ai le cœur noir comme le dress code d'un enterrement. Je collectionne les femmes comme si c'était des diamants. Des diamants, mais pas dans le bon sens. Célibataire ou en couple, je me loupe rarement. Malgré le fait que je sois au courant, pas d'empêchement. Le pire c'est qu'à la fin de l'histoire, je me déclare fièrement ton meilleur amant. Je sais utiliser les mots, je sais comment te rendre mauvaise sans que tu t'en aperçoives. Te rendre hystérique dans le love, devenir un point noir pour un mauve sans que tu demandes pourquoi. La seule chose vraie c'est qu'on s'apprécie. Les pages seront blanchies par nos récits. Je te laisse croire que c'est toi qui résiste, qui me résiste, qui me résiste. J'ai trop joué avec les cœurs de toutes celles que j'appelle mis à mort. Je suis tombé sur plus d'une âme sœur, mais je cherche encore, je cherche encore. Et tout au fond de moi j'ai peur de finir seul avec mes remords. J'ai laissé trop de cœurs en pleurs, donc pour moi c'est mort, je sais que c'est mort. Je sais que c'est mort. Je sais que c'est mort. Je te rends malade juste pour devenir le médicament. Indispensable pour toi, tu me verras comme un traitement. Je te collerai comme un garde du corps, je serai ultra présent. Présent pour que tu ressentes mon absence. En sécurité près de moi, donc tu te confies. T'insistes pour savoir tout de moi, donc pas de non-dit. La vérité c'est que t'aimes donner ton cœur au bandit. Yeah. J'ai quelques principes, quelques codes. C'est dur à croire mais je fais les choses. Jamais sans le bon vouloir. Si la nuit tomberait jusqu'à l'aube, il fait trop noir pour que tu te sauves. Tes affaires sont dans l'armoire. J'essaye d'être un maximum précis. Ça sera court mais notre relation sera magique. Je te laisse croire que c'est toi qui me résiste, qui me résiste, qui me résiste. Yeah. J'ai trop joué avec le cœur, toutes celles que j'appelle mis à mort. Tombé sur plus d'une âme sœur, mais je cherche encore, je cherche encore. Et tout au fond de moi j'ai peur de finir seul avec mes remords. J'ai laissé trop de cœurs en pleurs, donc pour moi c'est mort, je sais que c'est mort. Pour moi c'est déjà fini, ça fait mal mais je l'ai bien compris. Au final j'aurai tout ce que je mérite, je mérite tout ce que je mérite. Pour moi c'est déjà fini, ça fait mal mais je l'ai bien compris. Au final j'aurai tout ce que je mérite, je mérite tout ce que je mérite. J'ai trop joué avec les cœurs, toutes celles que j'appelle mis à mort. Je suis tombé sur plus d'une âme sœur, mais je cherche encore, je cherche encore. Et tout au fond de moi j'ai peur de finir seul avec mes remords. J'ai laissé trop de cœurs en pleurs, donc pour moi c'est mort, je sais que c'est mort. J'ai trop joué avec les cœurs, toutes celles que j'appelle mis à mort. Je suis tombé sur plus d'une âme sœur, mais je cherche encore. Je cherche encore. Et tout au fond de moi j'ai peur de finir seul avec mes remords. J'ai laissé trop de cœurs en pleurs, donc pour moi c'est mort, moi